d'histoires particulières. Une collection d'histoires de lieux, insolites, curieux, riches. Hier, nous écoutions l'histoire d'une place publique, celle de la place de la République à Paris, espace grand de 3,4 hectares. Clémence Gross et Julie Béressy nous ont raconté la naissance de cette place publique. Au XIXe siècle, elle est le passage obligatoire menant au boulevard du crime et à ses théâtres populaires, statues et autres fontaines ornant son centre. Elle en occupe pleinement la place avec le percement des boulevards par le baron Haussmann en 1865. Desservie par 7 grandes rues, 5 lignes de métro s'y croisent, faisant de la station République un important nœud de correspondance. En son centre, c'est Marianne, cathédrale de fer, phare urbain, dont le regard surveille et protège, au pied desquels nous avons fini ce premier épisode. Aujourd'hui, continuons notre visite avec ceux qui investissent, traversent et pensent la place de la République. Soleil à la vallée, soleil à la colline, mais les campagnes non, j'ai plus nessuno. Place de la République à Paris, une place à se faire. Une histoire particulière de Clémence Gross et Julie Béressy. On raconte qu'au pied de la Marianne, phare de bronze de près de 10 mètres de haut, trônant au centre de la place de la République à Paris, se trouve une trappe. Et cette trappe permettrait de découvrir l'antre de la statue. Imaginez, l'on ferait corps alors avec cette cathédrale, et l'on écouterait comme en clandestin les échos de la place et des rues adjacentes, les arrivées et les départs de manifestations en tout genre, les cris, les rires, les chansons d'ivrogne, et pourquoi pas les pas des danseurs de tango. Mais pour ouvrir cette trappe, il faut une clé. Et cette clé, eh bien, elle a disparu. À moins que par la force des choses et du temps, elle se soit métamorphosée en passe pour ouvrir la place et se la faire, tiens. S'y installer, être debout, et guérir doucement des stigmates des attentats de 2015 qui faisaient de République la caisse de résonance d'un silence assourdissant, orné de photographies, de bougies, de graffitis et autres témoignages. J'ai souvent pensé alors que plus rien ne serait comme avant. Que cette place, déjà mise en image par Louis Malle, ne serait plus jamais carrefour de rencontres, d'histoires, de colères et de fêtes. Et puis, il suffisait de ne pas y croire pour que tout arrive, pour que les perspectives de vie se croisent à nouveau, pour que la place publique devienne place du cœur. Alors, on se retrouve à République ? Et pour commencer la promenade, attardons-nous près des outils, balais et autres rêveries de Mamadou Bama, agent de nettoyage de la ville de Paris et couturier. Les gens, ils ne font pas attention ici. Quand on nettoie, après, il vient du salut. C'est ça qu'il faut qu'on les suit tout le temps, tout le temps. Heureusement qu'il pleut aujourd'hui, il n'y a personne là. Sinon, s'il ne pleut pas, il y a du monde ici. Hein. À midi comme ça, les gens, tout le monde il vient manger. Quand il mange, et puis comme il y a caressé un quick, tout là, il mange, après il laisse tout ici, il s'en va. Il faut que nous, on soit là pour les ramasser. On ne peut pas s'arrêter, parce que quand c'est sale, il y a les touristes qui viennent aussi. Il faut que nous, on fasse le travail. On est là pour ça. Tout il faut qu'on fait ici propre, hein, parce que Paris, c'est plus beau du monde, c'est Paris. Hein. Oui, moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je sais. Tout qui me plaît ici. Les monuments, les statues, tout. C'est les rêves. Tous les jours, je suis comme un enfant. Devant une statue, là, c'est, chacun voit des choses. Hein. Parce que mes travaux avant, moi, j'étais couturier. Tu vois les branches, là. Toi, tu penses quoi? Ça fait fleur, ça fait partie des images des femmes. Tu vois, elle est présente bien. Tu vois? Les drapés comme ça, là, tu vois, non? Oui. Ça fait couture, les vraies coutures, c'est ça là. Quand tu es drapé comme ça, en des robes de mariée avec ses fleurs, ça fait magnifique. Ça fait un peu Chanel ou bien Gautier. Ah oui, tu vois, soulever la main comme ça, une femme qui soulève sa main comme ça, elle veut liberté. On voit, la place est magnifique. Les arbres, ils sont des fleurs, des feuilles, tout. La lumière est bien, et puis tout est bien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber papier là-bas, tu vois? Tu vois là-bas, là? Oui. Il faut que, quand il y a le blanc comme ça, ça se voit tout de suite. Donc, il faut que j'y ramasse ça. Quand on voit ça, on ramasse ça. Tout ce que ça se voit loin, il faut ramasser ça. Place de la République, place de la République, place de la République. Une beauté, de nouveau, n'importe laquelle. D'abord seulement visible de dos, soudain, elle se retourne vers moi. À nouveau une beauté, suivie d'une autre. Le pas plus rapide, qui soudain se met à courir, assène un violent coup sur le crâne à celle qui la précède, et déjà s'est enfuie par une rue latérale. La première qui se tient la tête, on est resté couette. Place de la République. Moi, j'ai travaillé avant les travaux et après les travaux. Donc, avant les travaux, moi, je trouve qu'elle est mieux comme maintenant la place. Elle attire beaucoup plus de monde. Donc, voilà, il y a du bon monde, une belle clientèle. Elle est plus fréquentable maintenant qu'avant. Les gens, ils ont envie de s'arrêter sur la place, de se rencontrer, de se donner des rendez-vous. Donc, après, ça répartit un petit peu par rapport aux commerces qui sont autour. Il y a eu un très gros travail qu'on a fait à l'agence avec mon associé Pierre-Alain Trévelot sur la façon de travailler sur le sol de cette place. Antoine Vigé-Colère, architecte en charge de la rénovation de la place. En fait, ce que vous pouvez remarquer aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est le plus frappant d'ailleurs pour les gens qui ont redécouvert la place, c'est qu'avant, la spatialité de cette place était très fuyante. En fait, il y a beaucoup de relief sur cette place. Il y a entre l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire la position médiane de la place, et le pied des façades, il y a à peu près un mètre d'écart. Et dans sa configuration originale, la place était bombée, elle avait un profil bombé sur son grand côté, qui faisait que quand vous étiez d'un côté de la place, vous n'aviez jamais la perception de l'ensemble. Donc vous étiez toujours dans un endroit qui était en pente, qui était fuyant, et sur lequel on avait assez peu de repères, on avait peu de lieux stables en fait. Ce qui était d'ailleurs assez contradictoire avec ce que vous voyez là, c'est-à-dire l'organisation des formes autour de la place, des bâtiments qui au contraire sont des bâtiments haussmanniens, sont des bâtiments en pierre, ont une composition symétrique et régulière, donc qui forment une sorte de très grande pièce capable de fabriquer une sorte d'intérieur de théâtre urbain. Mais le sol n'était pas du tout en cohérence avec cette possibilité de retrouver un lieu de séjour. Donc on a fait un travail dont la complexité ne se voit pas forcément, parce qu'en réalité on voit ce grand sol plan. Mais l'espace public est à plat, c'est-à-dire que tout est réglé, ce qu'on appelle le nivellement, le sol de la place, est réglé sur le principe d'une mise à plat qui permet d'en faire une scène, une plateforme disponible pour qu'on puisse l'occuper. Je vais enfoncer une porte ouverte. Depuis tout à l'heure, on se demande comment on va s'organiser, comment on va rester, comment on va se fédérer. Comment on va... Mais en venant tous les jours, tout simplement. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas venir tous les jours. Mais chacun peut venir un bout de jour, un autre jour, etc. Et à un moment donné, effectivement, c'est parce que cette place sera tout le temps prise pendant toute la journée et une partie de la nuit certainement, parce qu'elle sera prise au quotidien. Et comme tu dis que de ce lieu, on ira ailleurs et on reviendra, qu'il y aura de plus en plus de monde et qu'il y aura de plus en plus d'organisation qui se fera. Mais la question à se poser, c'est simplement, est-ce que je peux venir tous les jours ? On est où, Luna, là ? Alors, on est place de la République. Il y a une foule de gens, des femmes, des hommes, qui sont rassemblés autour de la statue qu'on connaît bien. Il y a une estrade, il y a des gens qui portent des drapeaux, on est en train de se rapprocher. Alors qu'est-ce qui a marqué ? Femme boniche, femme potiche, femme affiche, on en a plein les miches. C'est le collectif Nous Toutes. La statue est recouverte pour l'occasion de drapeaux, des criteaux. Et là où il y a le grand lion qu'on connaît très bien, il y a une grande banderole qui a été dépliée par des jeunes femmes qui lèvent le poing. Donc sur la banderole est écrit « Les mutilations sexuelles violent les articles 1, 3, 5 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ». C'est très émouvant. C'est toujours agréable le week-end sur la place de la République parce qu'il y a toujours beaucoup de monde pour des causes diverses, plutôt des bonnes causes en général. C'est vrai, on a l'impression dans notre monde que beaucoup de choses se recoupent et qu'une lutte en entraîne une autre finalement. Moi j'ai connu la place quand elle n'était pas encore réaménagée. Et alors c'était comment ? Un flipper. C'était des sortes de bornes, d'îlots sur lesquels les piétons pouvaient circuler et les voitures passaient partout. En tout cas, j'ai le souvenir que les voitures tournaient autour de la statue de la République. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est nous qui tournons autour. Quand tu donnes rendez-vous à la statue et généralement, tu tournes autour de la statue avant de trouver la personne que tu dois rencontrer. Et tu l'aimes, cette place ? Oui, vraiment beaucoup. Parce que je trouve que c'est une place vivante. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. On est sur une aire piétonne, c'est-à-dire où le piéton est prioritaire, une aire piétonne qui fait 2 hectares. C'est l'endroit le plus grand à Paris où vous trouvez ça d'ailleurs, c'est la plus grande place piétonne de Paris. Mais où vous avez une voie où circulent les bus, les taxis, les piétons, les vélos, tout ce que vous voulez, et où le piéton est prioritaire. C'était un vrai pari, il n'y a pas de potelet, donc ce qui est là aussi est un vrai défi. Il n'y a pas de stationnement sauvage, vous le voyez, et donc on est sur un endroit où la rencontre est possible. Et ça, ça a été vraiment, je pense, un vrai changement d'état d'esprit, c'est-à-dire de pouvoir sortir d'une logique fonctionnelle de l'espace public où chacun est dans sa ligne, chacun doit s'inscrire dans un certain type d'usage et qui souvent génère du conflit, de la confrontation parce que la place est réservée aux uns et pas aux autres. Là, on a plutôt travaillé sur un espace qui fait le pari que la rencontre est possible. Si vous prenez l'espace de la place, à l'origine, 70% de la surface était dédiée à la circulation automobile. On avait un rapport de 70-30 entre la place de la voiture et la place du piéton. Aujourd'hui, ce rapport-là, c'est inversé. Vous avez 70% de l'espace qui est strictement piéton et 30% qui sert à la circulation. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Avant, on pouvait, si vous voulez, il y avait des jardins. Vous aviez 2 jardins avec 2 fontaines et la place de la République au milieu. Et en fait, les voitures tournaient autour de la place de la statue de la place de la République. Marie-Jo, riveraine. La circulation n'était pas du tout la même et empêchait justement ces rassemblements. Donc, les gens ne pouvaient pas stagner. Quand il y avait un départ de manif, ils partaient de la place République, mais de la rue. Vous voyez, il n'était pas sur un terre-plein qui demande qu'à accueillir des tentes, qui demande qu'à accueillir des gens qui n'ont rien à y faire. Quand vous avez des jeunes de 20-25 ans qui font du skate, parce que ce n'est pas des gamins, hein, c'est des gens bien mûrs, des personnes d'un certain âge ne peuvent pas aller s'asseoir sur un banc place de la République parce que si elles se reçoivent, et c'est déjà arrivé, des skates dans les jambes, elles vont à l'hôpital. Bon, après, vous avez les vélos qui passent, quelquefois une moto, pourquoi pas. Après, vous avez des groupes qui sont là, qui chantent, qui dansent, qui font... Non, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour les gens âgés qui ont envie d'aller se prélasser sur un banc. Il en faut pour les enfants. Bon, ils ont mis un espèce de l'eau devant. Alors, les gens se baignent les pieds. À votre avis, qui se lave les pieds ? Vous ? Moi ? Nous ? celui qui a besoin de se laver les pieds. Ils ont raison. Ceci dit, ils ont raison. Mais vous n'avez pas tellement envie d'y aller mettre vos marmots après. Et puis, le dallage. La place de la République, le jour de l'inauguration, une semaine après, il y a eu un gros orage. Cet orage, ils n'avaient pas prévu des bouches d'évacuation suffisamment fortes, suffisamment grandes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'eau s'est engouffrée là-dedans et tout est retombé dans le métro. Donc, le métro, il y avait des cascades qui descendaient dans les escaliers mécaniques. Ça a été mal conçu parce qu'il y a des fuites. Il y a des fuites qui vont dans le métro. Le métro venait d'être fait, donc ils ont eu des procès, des trucs, des machins. Enfin, ça, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Ce que je veux dire, c'est que tout a été mal fait. Que moi, il y a 3 ans déjà, je m'y suis cassé un bras, moi, à Place de la Répu, hein, parce que il y avait des trous partout, il y avait, c'était même au niveau sécuritaire durant les travaux, eh bien, c'était même ça, c'était mal fait. Donc, il y a des gens qui sont tombés, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que rien n'a été conçu pour les riverains. Tout a été conçu pour les manifestants. Parce que cette place, ça va dégénérer. Et tout est comme ça. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, ben, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce que moi, j'ai connu cette place, cet endroit qui est près du Cercle d'Hiver, qui est formidable parce que c'est vivant, je vous l'ai dit, en plus. C'est nuancé, on connaît le boucher, le charcutier. C'est un village, comme il peut y avoir à Montorgueil. C'était ça, la Place de la République. Et c'est devenu maintenant du n'importe quoi. Ce n'est plus un quartier, c'est la Cour des Miracles, c'est un quartier à l'abandon, c'est un quartier avec un climat insurrectionnel, c'est invivable. Les années passent pour ton... Ça glisse beaucoup et il y a des endroits qui sont waxés. La wax, c'est un mélange entre du savon, de l'huile et d'autres éléments, et de la cire, c'est ça, qui servent à glisser, à faire glisser des curbs, le sol, ce qu'on veut, quoi. Et du coup, on l'étale, on en fait passer sur le sol, sur le curb, et puis ça glisse beaucoup mieux. Et puis, il y a certains endroits sur cette place qui sont waxés, justement. Vous venez souvent Place de la République à Paris pour faire du skateboard? Moi, j'habite juste à côté, donc à chaque fois que je fais une session, presque, j'y vais. Avant les vacances d'été dernier, on s'amusait, comme on n'était pas fort du tout, on savait même pas faire le ollie, qui est le saut de base. On s'amusait à sauter par-dessus ça, le grand banc en bois, juste en roulant. Et puis, je trouve que la Place de la République, c'est beaucoup plus... Ça donne beaucoup plus envie de skater, alors que dans un skatepark, tout le monde est très très concentré sur ses figures. On s'engueule souvent parce que on se bloque, on tourne au mauvais moment et tout. Alors que là, à la Place de la République, tout est cool. On peut parler, on peut arrêter de skater tout le temps, d'être hyper concentré. On est tranquille, c'est ça. Vous n'êtes pas dérangé par les gens qui passent? Vous n'avez pas de problème? Bah, ça arrive que le skatepark arrive sur les clochards, sur une dame, on se fait souvent gueuler, je me suis même déjà fait poursuivre par des clochards, mais c'est rien. Tu t'es fait poursuivre, c'est-à-dire? J'étais tombée de mon skate, il était parti en roulant, et il avait foncé dans deux clochards, enfin je suis allée prendre mon skate, mais ensuite ils avaient un peu bu, ils étaient un peu... ça commençait à me poursuivre, du coup je me suis enfuie en skate, je suis rentrée chez moi. Ça fait un peu peur sur le moment, mais... Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Place de la République et on a l'impression que finalement, la Place de la République apparaît aujourd'hui comme si elle n'avait pas eu une histoire longue. Géraldine Texier-Rideau, docteur en histoire urbaine et architecte. En réalité, effectivement, cette place, si elle est aussi investie aujourd'hui, c'est parce que elle a toujours été investie, elle a toujours été très fréquentée. C'est une place de très grande dimension, c'est une des plus grandes places parisiennes et même à l'échelle européenne. Donc c'est une place qui fonctionne et qui a été surinvestie, laissée dans l'ombre et qui aujourd'hui ressurgit. Les événements de 2015, qui sont évidemment exceptionnels, ont à nouveau braqué les projecteurs sur la place. En réalité, c'est une suite d'événements. Enfin, le principe même de l'espace public physique, c'est qu'il est à tous et à personne. Donc, oui, il peut y avoir des expériences menées de projets démocratiques, de libération de la parole, tels que l'a fait Nuit Debout. Et d'autres usages vont venir sur la place, et c'est le principe même, je crois, de l'espace public. Donc, la place, c'est cette espèce de fond, ce bien commun de la ville, qui est à tous et à personne, qui permet à la fois des usages particuliers, l'individu sur la place au quotidien, les riverains du 11e arrondissement, 10e. Et puis, c'est en même temps une place, par ses très grandes dimensions et son emplacement stratégique, je dirais, sur le parcours des grands boulevards, eh bien, un espace de très grands rassemblements. Donc, elle fonctionne à différents temps. Elle fonctionne le jour et la nuit. Et aucun groupe ne prend la place pour lui-même. Voilà, il y a ces successions d'événements qui font vivre l'espace public aujourd'hui. Vous l'aurez compris, la place de la République à Paris n'est pas une place comme les autres, à bien des égards. Et pour l'explorer encore davantage, nous sommes allés interroger Patrice, ermite urbain, qui a décidé un jour de vivre dans sa camionnette garée aux alentours. Et pour qui cette place a bien des fonctionnalités. Est-ce qu'on peut monter? Ah oui, c'est tout mouillé, hein, je te préviens. bienvenue chez moi. Alors Patrice, bonjour. Oui, bonjour Clémence. On est où exactement? On est rue du Faubourg du Temple, à 100 mètres de la place de la République. Et pourquoi est-ce qu'on se gare ici alors? Là, je me suis garé là parce que j'ai ma salle de bain qui est juste derrière là. Si tu fais 150 mètres, tu vas trouver le Club Med Gym. Et c'est ma salle de bain en fait. C'est là où je viens tous les jours. Et donc la salle de bain est sur la place de la République en oui, fait? Oui, exactement. Et le matin, quand j'arrive à 7h, il y a à peu près une vingtaine d'hommes en vert qui balayent la place de la République. T'as des balayettes, t'as des camions, t'as toutes sortes de trucs qui sont tous là en train de nettoyer la place de la République. Donc je rentre dans ma salle de bain à 7h30, quand je ressors à 9h ou 9h30, c'est tout propre, c'est tout nickel. Ils ont tout balayé. Mais alors comment est-ce qu'on décide d'être dans une salle de bain place de la République? Alors au départ, je pensais au hammam parce qu'il y avait un sauna aussi, parce qu'en hiver, il fait froid. Et donc je me suis dit, ici il y a un hammam ici. D'ailleurs c'est marqué, là, sauna hammam. Et donc je suis descendu ici parce que j'étais persuadé que on pouvait aller au sauna hammam tranquille. Et quand j'ai vu les prix, c'était 3000 euros par an. Ah oui. Voilà. Et donc là j'étais cul par terre. Je me suis dit 3000 euros, c'est pas de mes moyens. Et quand j'ai regardé à droite, j'ai vu qu'il y avait un Club Med là. À l'époque, c'était pas Club Med, c'était une gymnase club, je crois. Et donc, je suis allé par curiosité rentrer dedans. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un sauna dans ce truc. Et j'ai dit, mais c'est bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis inscrit là-bas. Alors, au départ, c'était pas piéton, hein, la place de la République. Il y avait des bagnoles qui passaient devant ma salle de bain. Maintenant, devant ma salle de bain, c'est piéton. Et ça fait longtemps que c'est ta salle de bain? Ça fait quelques années, ouais. Ça fait quelques années que je vais tous les jours dans ma salle de bain à la place de la République. C'est un sous-sol carré, 1500 mètres carrés, béton. Donc j'ai une grande salle de bain avec une piscine et un sauna. Et je m'y sens bien. Puis j'aime bien l'esprit qu'il y ait plein de gens qui viennent dans ma salle de bain. Est-ce que c'est les... Tu croises des gens régulièrement? Ouais. Tu t'es fait des amis? Non, je veux pas me faire d'amis dans ma salle de bain. C'est-à-dire que je connais plein de gens, on discute, on est genre, ouais, mais il y en a par exemple, ils y vont pour, tu vois, pour genre potiner, pour passer leur temps. C'est pas des gens qui viennent tous les jours, ça. Mais moi, j'estime que j'ai des choses à faire. Que c'est de la concentration. Donc je veux bien croiser des personnes, mais je veux pas. Donc le programme en fait il se résume en je me muscle mon cœur dans ma salle de bain. Parce que nos ancêtres en fait ils couraient pour échapper à un ours, donc ils avaient forcément le cœur musclé, donc par respect je muscle mon cœur. Après bon il y avait couper du bois, alors maintenant on peut plus couper du bois, mais moi bon il y a donc là-bas des machines pour se muscler, donc je me muscle pour couper du bois, mais je ne coupe pas de bois. Et puis après je fais du stretching, c'est-à-dire que là c'est comme le chat qui s'étire le matin. Donc une fois que j'ai fait ça, je me suis bien étiré, donc j'ai vraiment l'impression d'être bien né, quoi, d'être bien là où je suis. Donc à ce moment-là, je peux sortir de ma salle de bain et puis tout s'est bien passé. C'est mon programme, tous les jours. Et après, est-ce que tu passes sur la place de la République en sortant ? Bah, en fait, la place de la République, c'est quelque chose que j'aime bien en arrivant. Parce que bon, le soleil se lève, c'est quelque chose qui... Puis il y a tous les bonhommes verts qui s'agitent. Après, c'est un peu la place de la République, elle est clean. Elle est, tu vois, elle est nettoyée. Donc, j'ai pas à y retourner, quoi. Moi, j'aime bien le matin quand j'arrive, parce que ça fait un peu bordel, quoi. Donc, ça, j'aime bien. D'abord, la fontaine là, qui est toute taillée et qui est toute graffée. T'avais des espèces de bas-reliefs en relief. Et il y a des personnes qui ont peint des personnages. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi des lampadaires qui sont peints. Y a des, donc on voit que bon, il y avait un pendu aussi qui était pendu pendant très longtemps. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça que j'aime bien. En fait, ça me fait penser un peu à comme si tout était possible, quoi. Tu vois, on peut faire ce qu'on veut. Et ça reste. C'est comme quand on trouve un squat et que petit à petit, chacun y met sa signature et puis ça prend une espèce de volume. Et puis t'as l'impression que t'as l'impression que t'es chez toi. Alors qu'avant, c'était un endroit qui était un peu stérile. Donc c'est ça que j'aime bien le matin en arrivant, parce que t'as l'impression qu'il s'est passé plein de trucs. De corbeaux, aboiement de chiens et en même temps un grondement. Une tempête a éclaté, bien au-dessus de la place. Tonnerre et crépitement. Pause. La place. La lumière, les contours. Pause. La place claire, vide. Dans sa lumière du souvenir. Le bref instant du papillon ou de la phalène. Elle est venue. Elle est venue, puis la place s'est obscurcie. Place de la République à Paris, une place à se faire avec Mamadou Bama, Géraldine Texierido, Antoine Vigé-Colère, Marie Jo, Ilan, Thibault, Alexandre, Achour et Patrice. Chant et composition au piano, Léopoldine H.H. Lecture du texte de Peter Hanke et clarinette, Vincent Bramoulet. Chant in situ, Louise Muller et Giuseppe De Ponte. Merci à Guillemette, Luna, Damien, Sophie et Laure, Alexandre, Lise-Marie, Bastien, Manon, Laurent, Alice, Clément, Thomas, Julien, Nejma, Jean-François et toutes les oreilles de la Place de la République à Paris. Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Clémence Gross, réalisé par Julie Béressy. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous raconter une histoire absolument extraordinaire. Mais c'est une autre histoire.